Le doute, c'est pratiquement ce qu'on sait faire de plus beau. Il y a tellement de diversité, tellement d'intelligence. La matière et ses atomes. C'est le moment où véritablement quelque chose a lieu. Et ce procédé devait mener à la séparation du chlorure de radium. Néandertal était différent, et pourtant si proche d'Homo sapiens. La matière semble solide et on perçoit la lumière comme un flux ininterrompu. Mais la mécanique quantique, formalisée au XXe siècle, révèle à l'échelle de l'infiniment petit un monde inattendu. Les propriétés de la physique quantique contreviennent au sens commun. C'est Julien Bobrov qui va vous faire découvrir l'univers étrange des atomes, des molécules et des électrons. Julien Bobrov est physicien, professeur à l'Université Paris-Sud, spécialisé dans la physique quantique, la physique de la matière, le magnétisme et la supraconductivité, des disciplines qui nous promettent un futur étonnant. La physique quantique a l'air parfois bizarre. Elle n'a pas fini de nous surprendre. Elle est surtout un des piliers de la science contemporaine. Les Aventuriers, une émission de Fabienne Chauvière sur France Inter. La physique quantique, c'est la physique qui s'applique à toute petite échelle, à l'échelle de l'atome, de l'électron, de la molécule. C'est une physique qui est inventée par des physiciens au début du XXe siècle. Ça va être une révolution, une vraie révolution scientifique dans notre communauté, parce qu'elle va changer notre façon de voir le monde et d'appréhender le monde. Mais ce qui est assez amusant avec la physique quantique, c'est qu'elle n'est pas inventée de toutes pièces par des esprits géniaux qui, à base d'équations, réinventent le monde. En fait, elle démarre à partir d'expériences, alors là, pour le coup, vraiment concrètes, qui viennent du 19e siècle et qui sont les quelques rares expériences qu'on n'a pas encore comprises au 19e siècle. Au 19e siècle, l'état de la physique, c'est en gros, on a compris la mécanique, on a compris les trajectoires des objets, comment ils se déplacent, on a compris la chaleur, la température, ça c'est la thermodynamique, c'est toute la révolution industrielle du 19e siècle. On a compris l'optique, on a même compris l'électromagnétisme, une des grandes prouesses du 19e siècle. On sait maintenant que la lumière est une onde qui se déplace à une certaine vitesse. Et il y a juste deux ou trois trucs qu'on n'a pas encore compris. Mais dans l'état d'esprit de beaucoup de physiciens, on a en gros bouclé l'essentiel de ce qu'il faut comprendre en physique. Alors les deux, trois expériences qui posent problème, elles sont vraiment à notre échelle, elles sont très concrètes et elles viennent de problèmes très concrets du 19e siècle. La première de ces expériences, c'est une expérience qui vient en fait du problème de l'ampoule électrique. L'ampoule électrique, c'est un vrai problème à la fin du 19e siècle parce que l'électricité commence à se répandre dans les villes, chez les gens. Et donc il y a un enjeu industriel d'ingénieurs qui est de fabriquer des ampoules qui éclairent bien et qui ne fondent pas trop vite. Et donc pour fabriquer ces ampoules, il faut choisir les meilleurs filaments, le meilleur métal qui rayonne le mieux. Il se pose une question à la fois pour l'ingénieur et pour le physicien, pour le coup, c'est comment est-ce qu'un corps émet de la lumière quand on le chauffe ? On sait bien que si on prend un bout de fer chez le forgeron et qu'on le chauffe, il devient rouge. Puis ensuite, si on chauffe encore plus, il change de couleur et il devient blanc. Donc cette couleur, on voit qu'elle varie avec la température. Alors les physiciens ont un nom savant pour ça, ils appellent ça le rayonnement du corps noir, mais en gros, c'est le rayonnement de n'importe quel objet qu'on chauffe. On se simplifie, nous, la vie, les physiciens, en prenant un corps noir plutôt qu'un filament d'ampoule. Et donc, ce rayonnement du corps noir, il est mesuré expérimentalement, notamment par les Allemands, qui montent presque un institut autour de ça et de la question de l'électricité, un institut fondé par Siemens, de la marque Siemens, donc on voit bien qu'il y a de l'ingénieur là-dedans. Et c'est un institut où physiciens et ingénieurs vont essayer de comprendre les lois électriques, et en particulier, comment un corps rayonne. Alors, plusieurs physiciens vont succéder, Kirchhoff, Wien, Lumière, et tous vont finalement mesurer que quel que soit le corps qu'on chauffe, il se comporte toujours de la même façon. Et va émettre certaines couleurs en fonction de la température à laquelle on le chauffe. Jusque-là, les choses sont assez simples. Manque de chance, on ne comprend absolument pas la courbe qu'on obtient. Les modèles classiques montrent même que la courbe devrait diverger, un truc absolument impossible pour les physiciens. On voit bien que la courbe a une forme de cloche, on retrouve toujours la même cloche, on ne sait pas d'où elle vient. Donc ce rayonnement du corps noir, il résiste aux physiciens, on n'a aucun modèle pour le comprendre. Et c'est bizarrement cette expérience très concrète d'une ampoule qui rayonne qui va déclencher la révolution quantique. On est en 1901 et Max Planck, un théoricien allemand, il a un peu plus de 40 ans à cette époque-là, va aborder le problème. Lui, il ne s'intéresse pas vraiment au rayonnement du corps noir, il s'intéresse à des problèmes bien plus profonds de thermodynamique liés au gaz, liés à Boltzmann. Mais il s'attaque à ce problème-là. Il va proposer une solution à laquelle lui-même ne va pas trop croire, une solution très élégante, où il comprend le rayonnement du corps noir en disant que ce rayonnement émet des petits paquets d'énergie. Un peu des pouf, pouf, pouf, des sortes de petits paquets d'énergie qui sont émis dans l'air et qui expliqueraient la forme qu'on observe du rayonnement. Planck trouve ça très curieux et tous les physiciens trouvent ça très curieux parce qu'on a l'habitude en physique de choses continues, qu'on puisse progressivement augmenter l'énergie, un peu comme on augmenterait avec un variateur une ampoule électrique. Là, il faut imaginer une ampoule électrique qui fonctionnerait par petits paquets. Ce qui est complètement inhabituel et très étrange. 6 juin 1949, Paris Inter, le physicien Louis de Broglie. L'année 1900, début de notre siècle, a marqué une grande date dans l'histoire de la physique contemporaine. C'est en effet en 1900 que le grand physicien Max Planck a le premier, dans ses travaux théoriques sur le rayonnement noir, introduit dans la physique la notion de quantum d'action, appelée à y jouer si rapidement un rôle fondamental. Qu'est-ce donc que cette théorie du rayonnement noir dont sortait tout à coup une découverte qui allait bouleverser les conceptions des physiciens? On entend ici Louis de Broglie, c'est assez émouvant. Louis de Broglie, ça sera un des acteurs clés, l'acteur français de la physique quantique. Louis de Broglie ici parle de Max Planck et dit notamment que Max Planck a découvert les quantas. Ces quantas, c'est justement ces petits paquets d'énergie que j'évoquais jusque-là. C'est l'idée que ce corps noir est en train de cracher des quantas. On ne sait pas bien encore ce que c'est au début du XXe siècle, qui vont rayonner et être responsables de sa couleur. Alors ces quantas, on va un peu mieux comprendre ce que c'est avec l'acteur suivant. En 1905... un autre effet échappe aux physiciens, il faut bien le dire, résiste aux théories, c'est l'effet photoélectrique. Alors, qu'est-ce que c'est que cet effet? Il porte bien son nom, photoélectrique. Il y a de la lumière et de l'électricité qui se jouent dedans. Si vous prenez un bout de métal et que vous l'éclairez avec de la lumière, en faisant l'expérience soigneusement, on voit que si la lumière est assez intense, elle peut arracher des électrons au métal, des petites particules électriquement chargées. Mais un point très très curieux, c'est que quand on change la couleur de la lumière, ça arrache des électrons, ça arrache des électrons, ça arrache des électrons, et soudainement, à peu près vers le rouge, la lumière arrête d'arracher les électrons. Et quand on a passé ce seuil, on peut augmenter la lumière autant qu'on veut, mettre le plus d'énergie possible, ça ne change plus rien. Et ça encore, ça viole complètement l'image qu'on a de la lumière, qui est un objet continu qui porte de l'énergie. Einstein, en 1905, il est tout jeune, hein, il a 26 ans, il travaille au bureau des brevets en Suisse, va écrire cette année-là 3 articles. On va appeler ça l'année miraculeuse d'Einstein. C'est une année où il va à la fois écrire la théorie de la relativité, la théorie du mouvement brownien et comprendre l'effet photoélectrique. Et c'est cette compréhension de l'effet photoélectrique qui lui vaudra le prix Nobel d'ailleurs quelques années plus tard, et non pas la relativité, comme parfois on le pense. Alors qu'est-ce qu'il a compris Einstein ? Einstein, il a compris qu'en réalité, la lumière elle-même se comporte comme des petits paquets. Mais il va plus loin que Planck, il ne dit pas que c'est juste l'énergie emportée par la lumière, il dit que c'est la lumière elle-même qui est composée de petits grains individuels. On appellera ça plus tard des photons. Et donc il franchit cette idée incroyable qui est que la lumière n'est plus une onde continue, mais une onde composée de petits corpuscules, et chaque corpuscule arrache un électron au métal. Il vient d'introduire l'idée qu'une onde peut aussi être composée de particules. On est donc là, juste avant la Première Guerre mondiale, avec deux vraies révolutions théoriques, celle d'Einstein et celle de Planck, qui semblent revoir ce qu'est l'énergie et ce qu'est la lumière, hein, deux fondements de la physique de l'époque. On est donc là avec la naissance, les premiers actes de naissance de la physique quantique. La physique quantique qui va exploser littéralement quelques années après. Et ce qui va provoquer la révolution réellement et la confirmer, ça va être ce qui va suivre, c'est-à-dire d'essayer de comprendre finalement ce qu'est un atome. Jusque-là, on a essayé de comprendre ce qu'est la lumière. On va maintenant devoir s'attaquer à l'atome. On écoute Cœur sur France Inter, Neighborhood. Rockets I used to own underneath the dome and in a playground. Oh, I'm pleased, Lord save my soul. Forgive me for my role. Change our target. We don't get along, we don't get along. Don't wait for a savior, just be a good neighbor. You can come along before our time is gone. Save my soul. Forgive me for my wrong. live next to each other. We don't get along. We don't get along. Don't wait for a savior. Just be a good neighbor. You can come along before. Aventuriers, une émission de Fabienne Chauvière sur France Inter. Au début du XXe siècle, l'enjeu est de comprendre la structure et les énergies des atomes. Julien Bobroff, physicien. Que sait-on de l'atome à l'époque? On commence à avoir assez bien compris ce qu'est un atome. On a compris qu'il y avait des électrons dedans, ça c'est Thomson, fin du XIXe siècle. On a compris qu'il y avait un noyau, 1911, Rutherford, et que ce noyau concentrait presque toute la masse de l'atome et les charges positives. Donc on a une image un peu planétaire avec une sorte de soleil au milieu, c'est le noyau, et autour des électrons qui graviteraient, un peu comme les planètes de notre système solaire. La question qui se pose aux physiciens, qui peut sembler un peu stupide, c'est pourquoi est-ce qu'un atome ne s'effondre pas? Si je place des électrons qui sont négatifs autour d'un noyau positif, ils devraient s'attirer, hein, le plus attire le moins en électricité. Et donc l'atome devrait s'effondrer sur lui-même instantanément, et toute la pièce autour de nous et à peu près tout l'univers devrait s'effondrer instantanément si ce modèle était correct. Il y a donc un problème qui échappe aux physiciens. Et celui qui va aborder ce problème, et presque le résoudre, c'est Bohr, Niels Bohr. Niels Bohr, c'est un jeune Danois, très urbain, très gentil, une grande honnêteté intellectuelle, une grande générosité aussi. Quelqu'un alors dont on dit qu'il est souvent difficile à comprendre, parfois il pense à voix haute, puis fait des longues pauses. Dans ses séminaires, on a souvent du mal à le suivre, hein, au dire des témoignages. Mais ce physicien danois va proposer un modèle radicalement différent, une révolution. Il va proposer que les électrons sont coincés sur des orbites, il ne sait pas pourquoi. Une fois qu'ils sont sur leurs orbites, ils n'ont plus le droit d'en bouger, ils ne peuvent même plus rayonner. Ils ne seront donc pas attirés par le noyau, on les en empêche dans le modèle. Et il va supposer à nouveau que ces orbites sont quantifiées, un peu comme les paliers qu'on avait tout à l'heure chez Einstein, mais cette fois-ci on est dans un atome, et que l'électron ne peut que sauter d'un palier à un autre, sauter d'une orbite à une autre. Il est à nouveau quantifié, et c'est un petit quanta qui le fera sauter éventuellement d'une orbite à une autre. Ça, c'est le modèle de Bohr. C'est un modèle qui pose plein de problèmes. On se rendra compte plus tard que c'est un modèle qui n'est pas tout à fait correct, mais qui va vraiment aider les gens à penser la quantique et à développer la quantique à partir de là. Ce modèle, les gens vont surtout y croire parce qu'il va permettre de comprendre pour la première fois les spectres des atomes d'hydrogène. Alors, qu'est-ce que c'est que ces spectres? Bien, c'est l'idée que si vous prenez des atomes d'un gaz, par exemple de l'hydrogène, et que vous envoyez de la lumière dessus, seules certaines couleurs très précises sont absorbées par le gaz. Et on peut regarder ces couleurs, ça fait une sorte de carte d'identité du gaz, on appelle ça un spectre, c'est les couleurs que le gaz absorbe. Bohr, avec son modèle très simple finalement, va être capable de calculer toutes les raies de l'atome d'hydrogène, raies qu'on avait déjà mesurées expérimentalement avant. Et c'est cette comparaison théorie-expérience qui va remporter les suffrages et convaincre tout le monde qu'il y a probablement quelque chose de vrai dans l'approche radicalement différente de Bohr. Face à ce modèle, de nombreux scientifiques vont commencer à réfléchir avec les outils de la quantique et essayer de comprendre ce qu'est véritablement cette physique quantique qui sous-tend ce modèle. Ils sont peut-être 20, 30, pour la plupart européens, tous relativement jeunes, très brillants. Ils vont construire à eux seuls toute la physique quantique en 5 ou 6 ans, entre 1922-23 et 1928. Et cette physique quantique, elle va être construite par les échanges, par la discussion, par le dialogue, à travers des conférences. Ils vont assister ensemble à de nombreuses conférences. Par exemple, les conférences Solvay, financées par un industriel belge dans un hôtel très chic à Bruxelles qui accueille tout le monde dans un grand luxe, inhabituel pour les physiciens. Mais aussi en allant séjourner les uns chez les autres. Il y a trois centres. Il y a chez Niels Bohr, à Copenhague. Il y a Munich, Sommerfeld accueille les gens à Munich. Et puis, il y a l'école de Max Born, à Göttingen. Et entre ces trois lieux, les physiciens vont naviguer, vont aller faire des séjours les uns chez les autres, vont beaucoup s'écrire aussi, vont beaucoup publier, vont beaucoup commenter. Ils vont ensemble, à travers tous ces échanges, construire cet édifice collectif. Alors, la physique quantique, c'est l'œuvre de beaucoup de personnes à la fois, avec également beaucoup de conflits, beaucoup de compétitions. mais une grande honnêteté intellectuelle, une grande rigueur intellectuelle, et puis les règles du jeu de la science. C'est-à-dire qu'on partage les connaissances, on les confronte aux expériences, et c'est avec ce jeu de collaboration et aussi de compétition qu'on va arriver à faire sortir la physique quantique. Tous ces physiciens sont d'accord que l'infiniment petit échappe aux règles habituelles de la physique et qu'il va falloir introduire des concepts radicalement différents pour comprendre ce qui se passe à l'échelle de l'électron et de l'atome. 12 avril 1956. La chaîne Paris Inter de la radiodiffusion télévision française présente à l'intention des auditeurs curieux de connaître l'évolution des sciences modernes, Tribune du Progrès. La Tribune du Progrès se propose de vous parler ce soir de la mécanique ondulatoire. C'est M. Louis de Broglie, de l'Académie française, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, professeur à la Faculté des sciences de Paris, lauréat du prix Nobel, qui nous fait l'honneur de venir à notre tribune. En 1923, date à laquelle vous avez découvert la mécanique ondulatoire, quel était, monsieur le professeur, l'état des connaissances en physique, en mécanique, en électromagnétisme ? Eh bien, vers la fin du siècle dernier, la physique se trouvait dans un état que l'on considérait comme très satisfaisant. Parce qu'on avait des idées exactes sur tout l'ensemble des phénomènes mécaniques, optiques et électromagnétiques, et que l'on semblait même pouvoir introduire dans cet ensemble d'idées les conceptions de la théorie atomique de la matière et de la théorie atomique de l'électricité. Et tout à coup, vers cette époque, un certain nombre de difficultés essentielles se sont présentées. Les unes ont été soulevées par le développement de la théorie de la relativité, dont nous ne nous occuperons pas aujourd'hui. Les autres ont été soulevées par le développement de la théorie des quantas et plus tard par la mécanique ondulatoire. Avant de continuer, monsieur le professeur, quels étaient les principes essentiels de la théorie des quantas ? La théorie des quantas est apparue lorsqu'on a voulu analyser les phénomènes d'équilibre entre la matière et le rayonnement. Le physicien allemand Max Planck s'est aperçu que cet équilibre ne pouvait être prévu exactement qu'en introduisant l'idée que la matière ne peut émettre et absorber le rayonnement que par quantité définie par quanta d'énergie. On vient d'entendre Louis de Broglie, qui a déjà un certain âge. Reprenons ce même Louis de Broglie, plus de 30 ans plus tôt, on est en 1923, il vient d'avoir 31 ans, et il est en train de finir sa thèse. C'est une thèse qu'il a commencée grâce à son frère. Son frère était un expérimentateur dans les rayons X, et l'avait incité à faire de la physique. Et le jeune Louis de Broglie traite pendant sa thèse de la nature de la matière. Lui aussi s'intéresse aux atomes et à la matière. Et il va faire une proposition très étonnante. Il va reprendre l'idée d'Einstein. Einstein, souvenez-vous, avait dit de la lumière qu'on pensait être une onde et en réalité composée de particules. De Broglie va dire, est-ce que l'inverse pourrait être vrai ? De Broglie va proposer que la matière, qu'on pensait être faite de corpuscules, de particules, hein, les tables, les chaises, tout ce qui nous entoure, pourrait être également composée d'ondes. Que la matière pourrait être, de façon duale, également une onde. Alors ça semble complètement absurde quand on regarde autour de nous, rien n'a l'effet d'une onde quand on regarde des objets matériels. De Broglie dit, attention, ça serait vrai à petite échelle. Un atome, un électron, un photon, un proton pourrait se comporter comme une onde. On va parler de dualité onde-particule. Comme toujours en physique, ça ne suffit pas de faire une belle hypothèse, d'avoir une belle idée, il faut la vérifier expérimentalement. Et étrangement, la vérification expérimentale se fera en même temps que la thèse de De Broglie, sans qu'il le sache. En même temps, au même moment, de l'autre côté de l'Atlantique, à New York, deux physiciens, Davison et Germer, étudient le bombardement d'électrons sur des bouts de métaux, sur du nickel, et se rendent compte que les électrons rebondissent de façon très curieuse. En réalité, Davison et Germer, sans s'en rendre compte à l'époque, sont en train de vérifier l'hypothèse de De Broglie, sont en train de se rendre compte que les électrons, dans leur expérience, se comportent exactement comme des ondes quand elles arrivent sur un réseau. Donc Davison, Germer et Louis de Broglie montrent que, à petite échelle, les objets se comportent aussi comme des ondes. Et ça va être un point très intéressant, à la fois conceptuellement, mais aussi parce qu'il va permettre enfin aux physiciens de calculer des trucs. Et en particulier, d'utiliser ces ondes pour calculer les propriétés de la matière. Et c'est là qu'arrive un personnage clé dans l'histoire, c'est l'Autrichien Schrödinger. Schrödinger a déjà un certain âge, il est plus vieux que tous les physiciens dont j'ai parlé jusqu'à présent, il a presque 40 ans. C'est un bel homme, il a un visage très fin, un peu à la Klimt, des petites lunettes, des yeux perçants. Et c'est en particulier au cours d'un voyage amoureux en Suisse, on est Noël 1925-26, je crois, 1926, dans une petite station de ski qu'il emmène une de ses conquêtes à l'époque pour un voyage amoureux. Et qu'en même temps, il essaye de trouver l'équation qui pourrait gouverner la fameuse onde de De Broglie. De Broglie a eu l'idée de l'onde, mais n'a pas trouvé l'équation qui pouvait la gouverner. Schrödinger va trouver cette équation, une équation qui portera son nom depuis. C'est l'équation qui permet finalement de dire ce que devient une onde à la De Broglie quand on lui fait subir un champ électrique, un champ magnétique. Et ce que va tout de suite faire Schrödinger, c'est tester, comme d'habitude, sa théorie. Et pour la tester, il va prendre ce qu'on connaît le mieux à l'époque, l'atome d'hydrogène. Et il va dire, ben voilà, l'atome d'hydrogène, c'est pas ce qu'on pensait jusqu'à présent. C'est pas du tout un noyau avec des électrons qui gravitent autour. C'est un noyau certes, mais les électrons maintenant sont des ondes qui occupent tout l'atome, un peu comme des vagues dans un aquarium. Et ces ondes n'ont le droit qu'à certaines formes. Chaque forme a une énergie, je vais les calculer avec mon équation. Il calcule l'énergie et il retrouve exactement l'énergie donnée par les expériences des spectres d'atomes d'hydrogène. Donc avec son équation, avec l'onde de De Broglie, il montre qu'il comprend enfin ce qu'est un atome et ce qui s'y joue avec ces électrons qui sont en réalité des ondes qui occupent tout le volume de l'atome. Là, on pourrait se dire que l'histoire s'arrête, mais en fait, elle ne fait que commencer. Les physiciens sont à la fois enthousiastes et sceptiques. Ils sont enthousiastes avec cette idée de Schrödinger parce que enfin ça leur donne ce dont ils ont l'habitude des ondes. Ils savent calculer des ondes, ils savent utiliser ce genre d'équation, donc ils se retrouvent un petit peu en territoire connu. Mais ils sont sceptiques sur l'idée que c'est vraiment une onde. C'est pas vraiment une onde parce qu'elle a pas de toute façon l'équation habituelle des ondes. Et celui qui va comprendre ce qui se passe, c'est Max Born. Max Born va comprendre qu'en réalité, ce à quoi on a affaire ici, c'est une onde de probabilité. Là, on rentre dans des objets vraiment curieux de la physique quantique. Ça explique aussi pourquoi la physique quantique est peut-être parfois difficile à vulgariser. Parce qu'il va falloir maintenant imaginer ce que c'est que cette onde de probabilité. Cette onde de probabilité, c'est l'idée que l'électron, avant qu'on le mesure, occupe en probabilité tout l'espace de l'atome, avec une certaine forme. Ça ne veut pas dire que c'est une réelle onde, ça veut dire que tant qu'on ne le mesure pas, il a des chances d'être ici, ou là, et il ne choisit littéralement pas. Ce qui se passe quand on mesure un électron, par exemple dans un atome, c'est qu'on tire au dé. En quelque sorte, l'électron ne décide pas où il est tant qu'on ne l'a pas mesuré. Et quand on va le mesurer, on va mesurer à chaque fois un corpuscule, un tout petit point. Donc on ne mesure pas l'onde, mais ce petit point en fait va tirer au sort où il se trouve, en probabilité, en fonction de l'onde qui existait avant. Autrement dit, l'onde c'est une sorte de cartographie des possibles, qui va dire où l'électron peut se trouver avant qu'on le mesure. On va parler de réduction du paquet d'ondes, de probabilité de présence, et on va introduire tout un formalisme pour comprendre finalement l'étrangeté du monde quantique qui se joue au niveau de cette onde qui est en fait une onde de probabilité. Schrödinger ira même au-delà de cette équation et proposera des expériences de pensée encore plus radicales. Notamment, il se rendra compte avec le formalisme quantique que non seulement un objet peut être une onde de probabilité, mais il peut être dans deux ondes de probabilité, deux états à la fois. Ça va être cette fameuse expérience du chat de Schrödinger à la fois mort et vivant, cette idée très paradoxale qu'à l'échelle quantique, un objet peut être superposé dans deux ondes de probabilité et que c'est seulement quand on le mesure qu'il choisit une des deux aléatoirement. Voilà, on arrive en 1928-1929 et l'essentiel de la physique quantique est fabriqué, est construit et ne sera plus mis en défaut après. On continue à enseigner exactement cette physique quantique-là à nos étudiants et à l'utiliser nous-mêmes dans les laboratoires. Donc l'essentiel est fait et maintenant, les physiciens vont s'attaquer à des problèmes encore plus compliqués, armés de ces outils de la physique quantique. Kraftwerk, Die Roboter, vous écoutez France Inter. Я твой работник. wir sind auf alles programmiert. Und was du willst, wird ausgeführt. Wir sind die Roboter. Wir sind die Roboter. Wir sind die Roboter. Wir sind die Roboter. Wir funktionieren automatisch. Jetzt wollen wir tanzen mit Kanik. Wir sind die Roboter. Wir sind die Roboter. Wir sind die Roboter. Wir sind die Roboter. This number is a number which does not depend on what system of units you use, whether you refer it to centimeters or inches or any other units that you like. The dimensionless number will always be the same. On entend là Paul Dirac, un des grands, grands physiciens de cette époque-là. Dirac, il va arriver en 1926 et il va faire une équation qui va résumer à la fois la théorie de la relativité et de la physique quantique pour comprendre l'électron. Et cette équation-là sera l'équation des électrons qui fonctionne encore maintenant actuellement. Julien Bobroff, spécialiste en physique quantique et en physique de la matière. La physique quantique, finalement, dit qu'un objet à petite échelle se comporte comme une espèce d'onde, une onde de probabilité, et quand on le mesure, devient un corpuscule et se réduit en un point particulier. Ça va permettre de comprendre les atomes, de comprendre la lumière, de comprendre les gaz, de comprendre les spectres et de comprendre les particules élémentaires. À partir de là, on peut dire qu'il va y avoir deux branches qui vont se former. L'une va essayer d'aller vers des objets de plus en plus fondamentaux. Par exemple, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du noyau? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'un proton? On va découvrir le positron, le neutrino, le muon. On va aller vers la physique des particules et la physique des hautes énergies. Et puis, petit à petit, vers la bombe atomique. Une autre branche, peut-être parfois moins connue, va avoir un point de vue un peu différent qui est de se dire « Non, non, on va repartir dans l'autre sens. On a compris ce qu'était un atome, maintenant on va refaire grossir la matière en ajoutant les atomes les uns aux autres et essayer de comprendre finalement un vrai solide à partir des atomes qui le composent. » Donc pas du tout aller vers l'infiniment petit, mais au contraire revenir à l'échelle du centimètre pour comprendre ce qui se passe à notre échelle armée de la physique quantique. Alors, ces physiciens-là, il faut voir à quel point ils sont audacieux parce que, a priori, c'est un problème voué à l'échec dès le début. Alors c'est un problème voué à l'échec pour une raison très simple, c'est qu'en physique quantique, plus on a d'atomes, plus c'est compliqué à calculer. Ça veut dire que si on veut calculer avec le meilleur ordinateur du monde 50 atomes, on en est absolument incapable. Donc dans un solide où il y a des millions de milliards de milliards d'atomes, on n'a absolument aucune chance de calculer ce qui se passe à partir de l'équation de Schrödinger. Et pourtant, les physiciens se lancent dans l'aventure. Alors ils vont être trois au début, il va y avoir Pauli, va y avoir Fermi, va y avoir Dirac, et puis également Heisenberg. Ce que vont faire ces physiciens, c'est simplifier le problème. Comme toujours, quand un physicien ne sait pas traiter d'une situation, il la simplifie. Et alors eux vont faire la simplification la pire qu'on puisse imaginer. Pour comprendre ce que c'est qu'un métal, a priori, ce sont des atomes les uns à côté des autres, et puis certains des électrons des atomes ont le droit de se déplacer librement et d'emmener le courant électrique. Et bien pour comprendre ce métal, vu qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas calculer les atomes, ils vont enlever les atomes du métal. Ils vont supposer qu'un métal, c'est une boîte vide, sans atomes, sans noyaux. Ils vont enlever tous les électrons du métal, ils vont juste laisser les électrons qui peuvent se déplacer. Donc ils vont élégamment parler d'un modèle d'électrons libres. C'est juste une façon élégante de dire qu'ils ont tout enlevé dans la matière, sauf les électrons qui laissent se déplacer dans cette grande boîte vide. Pour l'instant, c'est dans leur imagination, le métal serait une boîte vide dans laquelle on laisse circuler des électrons librement. Et ils font le calcul de ce que ça devrait donner, et ils se rendent vite compte que finalement ça ressemble beaucoup à un atome. Souvenons-nous qu'un atome, c'est une sorte de boîte électrique dans laquelle on laisse des électrons. Et bien ici, c'est juste une boîte un peu plus grosse. Et donc ça va se comporter en fait comme un atome, va aussi y avoir des niveaux d'énergie, des quantas, comme des orbites, et les électrons n'auront droit qu'à certaines énergies. Ils vont calculer ses énergies, ils vont utiliser des statistiques pour ça, un principe d'exclusion. Et ils vont finalement être capables de calculer une des propriétés du métal, pour voir si ça marche, hein, comme toujours. Et donc Paoli va être le premier à faire ça. En 1926, il écrit un article où il calcule le magnétisme d'un métal. Que se passe-t-il quand j'approche un aimant d'un métal ? Donc on revient vraiment à des expériences de tous les jours. Hein, comme quand vous mettez, je sais pas, un magnète sur un frigo. Il fait le calcul et il trouve exactement ce que donne l'expérience. C'est stupéfiant parce que jusqu'à présent, on se plantait complètement et on ne comprenait pas du tout les expériences du magnétisme des métaux. On pourrait dire qu'à partir de ce succès, Paoli va lancer une école de la physique quantique des solides ou de la physique quantique de la matière. Alors pas du tout. Paoli, juste après cet article, dit « Je n'aime pas la physique des solides, même si j'en suis à l'origine, et il ne refera plus jamais de physique des solides. » Je crois qu'il considère que la physique des solides est de l'ordre du sale, de l'ordre de l'approximatif, n'est pas assez fondamentale pour lui, n'est pas assez belle et pure. Et voilà pourquoi lui retournera vers la physique des particules, et d'ailleurs sera à l'origine du neutrino quelques années plus tard. Heureusement pour nous, d'autres physiciens n'abandonnent pas l'affaire et vont continuer dans cette voie un peu étrange d'approximation terrible pour comprendre les solides. Ils vont essayer progressivement de faire le moins en moins d'approximations pour rendre leur modèle de plus en plus réaliste. Et en faisant ça, ils vont révolutionner notre compréhension de la matière qui nous entoure. Alors pourquoi est-ce que la matière aurait des propriétés quantiques ? On voit bien que la matière autour de nous, elle se tient bien, qu'elle n'est pas du tout ondulatoire ou probabiliste ou je ne sais quoi, et que les bizarreries du monde quantique, on ne les voit pas à notre échelle, sinon on en aurait l'habitude. En réalité, la plupart des propriétés de la matière qui nous entoure est quantique. Et c'est ce que ces physiciens vont comprendre. Alors citons-en quelques-unes. La plus simple, la solidité de la matière. Pourquoi la matière est solide ? Après tout, l'atome dont on parle depuis le début, c'est un noyau au milieu qui fait un 100 000e de la taille de l'atome, et le reste c'est pour l'essentiel du vide, les électrons occupent très peu d'espace là-dedans. Donc l'atome en gros c'est une boule vide. Et pourtant, la matière est solide. Quand j'essaye avec ma main de passer à travers une table, ma main ne passe pas à travers la table. Alors pourtant elle est constituée pour l'essentiel de vide et la table aussi est constituée de vide. Et en fait c'est les règles de la physique quantique que vont comprendre Pauli, Heisenberg, Fermi, Dirac, qui vont gouverner par exemple la solidité des objets. Ce qui fait par exemple que ma main ne traverse pas la table, c'est le principe d'exclusion de Pauli, le même Pauli, qui comprend que en fait, quand l'électron est dans son espèce de forme ondulatoire, il refuse d'être au même endroit qu'un autre électron qui aurait la même forme. Deux électrons à la même forme s'excluent, un peu comme dans une soirée où vous interdiriez les jumeaux. Voilà. Donc, dès qu'il y a des électrons dans ma main, qui vont avoir la même nature que ceux de la table, ils n'ont pas le droit d'interpénétrer ceux de la table, même s'ils occupent très peu d'espace. Et c'est ça qui va faire la solidité de la matière. Exactement de la même manière, Pauli et puis tous les physiciens qui vont suivre et qui vont s'engouffrer dans la brèche vont essayer de calculer les propriétés dont on a l'habitude mais qu'on ne comprenait pas. Par exemple, la couleur des objets. Ou encore, pourquoi certains sont des métaux, d'autres sont des isolants. Ou encore, pourquoi certains sont des aimants et d'autres ne sont pas magnétiques. Et donc, toutes ces propriétés relativement simples et élémentaires dont on a l'habitude, mais qu'on ne comprenait absolument pas jusqu'à présent, vont enfin être comprises grâce à la physique quantique. Et donc, en 10-15 ans, des physiciens comme Félix Bloch, comme Wilson, ou comme Pauli, ou comme Heisenberg, vont être capables de mettre en place une physique quantique de la matière solide. On arrive à la Seconde Guerre mondiale et les physiciens ont compris la matière quantique. Et là, maintenant, va se passer quelque chose d'assez rare dans l'histoire des sciences. À partir de leur compréhension des propriétés de la matière, ils vont être capables d'inventer. D'inventer des nouvelles matières, d'inventer des nouveaux composants, d'inventer des nouveaux phénomènes. Et donc la physique quantique, soudain, va devenir une sorte d'ingénierie quantique pour inventer des objets qu'on n'avait pas à l'époque. Et l'exemple le plus frappant, le plus important, peut-être la révolution technologique la plus importante du XXe et du XXIe siècle, elle va avoir lieu en 1947. Trois physiciens quantiques, Bardeen, Brattain, Shockley, travaillent à l'époque dans les laboratoires de la compagnie téléphone américaine, Bell Labs. Et cette compagnie, elle est très motivée à remplacer les tubes à vide en électronique. C'est des tubes à vide qui servent à l'époque à faire les ordinateurs de l'époque et qui sont catastrophiques, qui démarrent mal, qui sont fragiles, qui sont gros, qui sont peu utiles pour l'électronique. Ces physiciens-là vont utiliser leur savoir-faire de physique quantique pour inventer une sorte de tube à vide miniature. Ils vont inventer le transistor. 15 janvier 1959, Paris Inter, le progrès et la vie. Ce soir, nous allons vous conter la naissance d'un transistor. Nous sommes à la faculté des sciences, dans le laboratoire de physique de l'école normale supérieure, où se trouve actuellement M. Aigrin. Vous allez donc nous décrire les principales phases de la fabrication et les principales utilisations des transistors. Un transistor est un élément de circuit amplificateur, qui peut par conséquent remplacer les lampes à vide dans la plupart de leurs applications, et qui est constitué essentiellement d'un monocristal d'un semi-conducteur. Un transistor est ainsi constitué d'un sandwich. une zone de conductivité négative ou positive étant intercalée entre deux zones de conductivité opposées. Le transistor dont on parle dans cette archive, en fait, c'est un interrupteur. C'est une façon de laisser ou de ne pas laisser passer le courant, mais à une échelle miniaturisée. Comment ça marche et pourquoi est-ce que c'est quantique, le transistor ? Un interrupteur, c'est pas du tout quantique, mais le transistor, en fait, utilise des matériaux, les semi-conducteurs, dont les physiciens vont être capables de contrôler le nombre d'électrons. En fait, ça va être des métaux sur mesure. Un métal, il vous donne un certain nombre d'électrons et vous n'en avez pas le choix. Ici, avec un transistor, on peut choisir sur mesure les électrons qui s'y propagent et la façon dont ils s'y propagent. Est-ce que ça va permettre, ce transistor, cette espèce d'objet inventé de toutes pièces à partir de métaux, d'isolants et d'astuces de chimie et de physique, ça va permettre de miniaturiser l'électronique. Et le point clé, ça va être non seulement la découverte de ce transistor en 47, mais surtout en 58, l'arrivée de Jack Kilby, qui, le premier aux États-Unis, va inventer un circuit intégré. C'est-à-dire qu'il va être capable de mettre soudain plein de transistors à deux dimensions sur une plaque. Et là, on est en train d'inventer, un petit peu avant l'heure, le microprocesseur et derrière toute l'électronique moderne. Il faut se rendre compte qu'actuellement, dans nos ordinateurs, on a 1 milliard de transistors. Chaque transistor fait quelques milliardièmes de mètre. Et qu'on est à ce degré de sophistication parce qu'on a pu les miniaturiser, ne plus utiliser de verre, mais d'utiliser en gros des métaux et des semi-conducteurs gravés à partir de l'invention quantique de 1947. Alors l'invention suivante, l'invention clé de la physique quantique, ça va être le laser. On est en 1960, aux États-Unis, là encore une féroce compétition industrielle, hein, des brevets sont en jeu et on peut s'imaginer l'importance des brevets. Et c'est Mayman, le premier, qui va gagner la compétition et qui va réaliser pour la première fois un laser, à partir d'un rubis, hein, la pierre précieuse, qu'il va éclairer avec des flashs lumineux. Et il utilise en fait des propriétés des atomes du rubis, des propriétés quantiques. Quand il éclaire avec son flash lumineux, les atomes sont excités. Et une fois qu'ils sont excités, on va être capable d'envoyer un grain de lumière, un photon, pour les désexciter. Et en faisant ça, eux-mêmes recrachent un deuxième grain de lumière. On est parti avec un grain, on se retrouve avec 2 grains de lumière. Et si on met un miroir et qu'on recommence dans l'autre sens avec un autre atome, et ben on aura 4 grains de lumière, 8 grains de lumière, 16 grains de lumière. Donc progressivement, on amplifie la lumière. Mais tous ces grains sont absolument identiques. Donc on a une lumière amplifiée qui a exactement la même couleur, la même forme, la même cohérence. C'est le rayon laser qu'on pourra faire sortir ensuite dans une direction parfaite. On sait faire des rayons laser tellement unidirectionnels maintenant qu'on peut les envoyer sur la Lune, mettre un miroir et les récupérer ensuite. 24 mai 1962, France 1, Paris Inter. Pour tous ceux qui intéressent le prodigieux développement scientifique actuel dont l'influence est de plus en plus grande sur notre existence, voici réalisé par Paul Castan, une émission de Paul Sarès, Le progrès et la vie. Une source fantastique de lumière, le laser, tel sera le sujet de notre première rubrique, avec la participation de M. Maurice Françon, professeur à la Faculté des sciences et à l'Institut d'optique. Un petit rubis de 2 cm de long, quelques millimètres de large, entouré d'un flash extrêmement puissant, et nous avons devant nous cette fameuse source de lumière qui émet un rayon absolument fantastique, M. Françon. Vous avez en face de vous, en effet, le laser. En effet, l'appareil est constitué par un petit rubis. Eh bien, il sort de ce rubis dans cette direction-là, voyez-vous ici, vers la gauche, un faisceau extrêmement intense. Supposez qu'à la sortie du laser, on concentre le faisceau à l'aide d'une lentille qui aurait 1 cm de focale sur une petite surface de l'ordre de 0,1 mm de diamètre. Eh bien, sur cette petite surface, l'énergie produite par un laser pourrait être de l'ordre de 100 millions de watts par centimètre carré. On est là au tout début du laser, hein, on dit encore laser à l'époque. Le laser va avoir des applications incroyables. Il va permettre de couper, d'opérer en chirurgie, il va permettre de lire des CD, etc., etc. On connaît toutes ces applications dans notre quotidien. Une des applications les plus importantes, ça sera pour les télécoms, avec l'invention des diodes laser, hein, tout juste après, en 1962 et puis après en 69-70, qui vont servir à mettre de la lumière dans les fibres optiques. Et donc toutes les télécommunications modernes se basent également sur l'utilisation des lasers dans des diodes qui ressemblent beaucoup aux transistors de 1947. De toutes ces fleurs malade. Et de toutes les fleurs, c'est moi la plus jalouse quand tu te déposes sur des millions de roses, papillons mon cœur, souvent se languit de toi. Écoutez l'aube, c'était Canary. Les Aventuriers, une émission de Fabienne Chauvière sur France Inter. La physique quantique nous promet un monde digne d'un film de science-fiction. Si les recherches sur la supraconductivité aboutissent, le stockage et le transport de l'énergie ne seraient plus un casse-tête. Tout ce qui nous entoure, nos meubles, nos véhicules, nos sacs, pourrait flotter, léviter. Le physicien Julien Bobroff. Dans les années 80, on va continuer à avoir cette explosion de nouvelles inventions quantiques. Par exemple, le microscope électronique, microscope à effet tunnel, microscope à force atomique. Des outils incroyables pour voir, maintenant, enfin, 80 ans après, les atomes qu'on devinait mais qu'on ne voyait pas jusque-là. On va être capable aussi d'inventer des outils, par exemple, en optique quantique pour faire des cryptographies, pour coder des codes secrets de façon inviolable. Donc, tout un jeu d'expériences très spectaculaires et d'applications dans les laboratoires de la physique quantique. Et puis parallèlement, on va continuer à essayer de développer des composants pour des applications très concrètes, un peu à l'image du laser et du transistor dont on a déjà parlé. Et en 1993, va arriver une découverte majeure, fondamentale, qui recevra le prix Nobel d'ailleurs quelques années après, c'est la découverte, ou plutôt l'invention, de la LED bleue. Alors c'est très curieux parce que les LED, on les connaissait déjà depuis un certain temps, les diodes électroluminescentes, mais on savait faire des LED rouges, des LED jaunes, des LED vertes, mais pas des LED bleues. Et la bleue posait un vrai problème, alors je ne rentrerai pas dans les détails techniques, mais on n'arrivait pas à faire des LED bleues. Et trois japonais, Amano, Akasaki, Nakamura, travaillent d'arrache-pied pendant 10-15 ans pour créer des sandwichs astucieux de matériaux qu'ils vont doper, qu'ils vont traiter sous microscope électronique, qu'ils vont réchauffer, refroidir, qu'ils vont traiter chimiquement, pour finalement arriver à faire une LED bleue. Alors pourquoi est-ce que la LED bleue c'est si important? Parce qu'avec une LED verte ou une LED rouge, on ne peut pas éclairer chez soi. Chez soi, on a envie de lumière blanche. Et pour faire du blanc, il faut mélanger du bleu, du rouge et du vert. Et donc la LED bleue va enfin permettre de faire des ampoules blanches à base de LED. Et l'ampoule blanche à base de LED, elle ne sert à rien pour le physicien de la physique quantique. Par contre, elle sert pour l'humanité. parce qu'elle va soudain changer la facture énergétique de l'humanité. Parce qu'une ampoule à filament, comme on les utilisait jusqu'avant, perd 95% de son énergie dans autre chose que le rayonnement de la pièce. Donc, littéralement, on n'utilise que 5% de l'électricité pour s'éclairer. Avec une LED, on peut aller jusqu'à 90 ou 95% de ce qu'utilise la LED pour s'éclairer. Donc on va gagner énormément en énergie grâce aux LED bleues. Donc on le voit, la physique quantique peut fabriquer des matériaux utiles pour l'environnement. Par exemple, les cellules photovoltaïques sont également une œuvre de la physique quantique, à l'image de ces LED bleues qui ont permis d'économiser énormément sur l'énergie. Autre étape pour la physique quantique, ça va consister à miniaturiser. On l'a déjà vu pour le transistor, qui va être miniaturisé dans les microprocesseurs. La physique quantique va de plus en plus se réintéresser à des objets à l'échelle du nanomètre. Parce que maintenant, on sait les fabriquer, on sait les mesurer, on sait les voir également. Et donc va émerger, dans les années 80-90, un nouveau champ, le champ de la nanophysique. Et ce champ-là va recevoir son premier prix Nobel avec un Français, un collègue, en fait, de l'Université Paris-Sud, Albert Fert, qui, avec son collègue Peter Grünberg, va recevoir un prix Nobel pour, justement, une découverte liée à la nanophysique. 10 octobre 2007, France Inter, le physicien Albert Fert, dans l'émission La tête au carré. C'est, une découverte de 88, la découverte de la magnétorisation géante, a pu être utilisée rapidement pour, aux têtes de lecture des disques durs, qui ont permis de détecter des inscriptions beaucoup plus petites et donc de stocker beaucoup plus d'informations sur le même disque. Et la capacité des disques a été multipliée par 200, 300. Alors la magnétorésistance géante, de quoi s'agit-il ? Il s'agit à nouveau d'un sandwich de couches, mais cette fois-ci, ces couches sont magnétiques. Ce qu'Albert Fert va faire, c'est essayer de manipuler le magnétisme de la matière pour changer la résistance électrique d'un objet. Et ça, ça constitue l'idéal d'une tête de lecture pour un disque dur magnétique, justement. Ce magnétisme, dont j'ai peu parlé jusqu'à présent, c'est une des composantes clés de la physique quantique. L'aimant magnétique le plus petit, on appelle ça un spin. Albert Fert va proposer de le manipuler pour réinventer une nouvelle forme d'électronique. Il parlera de spintronique. Et ce spin, on le trouve au cœur de nombreuses technologies quantiques, par exemple les IRM dans les hôpitaux, l'imagerie par résonance magnétique, où on manipule les spins de nos atomes dans notre corps humain, nos atomes d'hydrogène, et en regardant comment est-ce qu'ils remontent à l'équilibre, on est capable finalement de distinguer différentes zones d'un corps humain sans devoir le découper en tranches. Donc on le voit, le champ des applications a tout à gagner de la physique quantique, qu'il s'agisse d'IRM, de têtes de lecture, de disques durs d'ordinateur ou de rayons laser. En réalité, à l'échelle de la nanophysique, on va même découvrir des nouveaux matériaux qui vont avoir des propriétés probablement utiles pour des applications, mais qui sont encore à l'état de recherche. Et là, on en vient maintenant à la physique quantique moderne. La physique quantique ne s'est pas arrêtée en 1928. Elle continue depuis. C'est un des champs les plus étudiés actuellement dans les laboratoires. Et on découvre régulièrement des nouveaux matériaux aux propriétés remarquables. Par exemple, toujours à l'échelle de la nanophysique, on a découvert il y a quelques années le graphène. Le graphène, c'est une couche d'un seul atome d'épaisseur de charbon. Voilà, on prend du charbon, mais on ne garde qu'un atome d'épaisseur. Et cette couche-là a des propriétés remarquables. Des propriétés mécaniques absolument uniques, c'est l'objet le plus dur au monde. Des propriétés électriques également tout à fait surprenantes. Le graphène n'est ni isolant, ni métallique. Il est dans une sorte d'entre-deux très étrange, qui a permis de mettre à jour toute une nouvelle physique très étrange des électrons dans le graphène. On parle de cônes de Dirac, d'électrons sans masse. Les électrons se comportent comme s'ils n'avaient plus de masse, comme si c'était des grains de lumière. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on est là à la convergence entre deux domaines, un domaine vraiment d'ingénierie, de nanophysique, de matériaux pour l'environnement, pour l'électronique, et puis soudain la physique fondamentale qui repointe le bout du nez et qui va s'emparer de ces découvertes, de ces objets-là, pour essayer d'y découvrir une physique originale. Où là, ce qui va intéresser le physicien, ça n'est pas seulement l'application, mais le fait de découvrir un nouvel état de la matière. Et donc on arrive à tous ces nouveaux matériaux quantiques qui vont présenter des états absolument hallucinants qu'on n'envisageait pas jusque-là. Un bon exemple, finalement, ce sont les supraconducteurs. Alors, de quoi s'agit-il ? Si vous prenez un métal comme du plomb ou de l'aluminium et que vous le refroidissez, alors vraiment beaucoup, très près du zéro absolu, soudain, à une température assez basse, il va changer d'état et devenir une sorte de supermétal. On parle de superconducteur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous mettez du courant dedans, il circule parfaitement, plus rien ne lui résiste. Si vous prenez un petit anneau de ce métal, par exemple un petit anneau d'aluminium, et que vous mettez avec une pile du courant dedans et puis que vous le refroidissez, vous pouvez ensuite enlever la pile, le courant restera piégé dans l'anneau jusqu'à la fin des temps, un mouvement perpétuel. Ce que n'aime pas le physicien a priori, mais la physique quantique le permet. Donc on a ce matériau très étrange a priori. Autre étrangeté, si on approche un aimant d'un supraconducteur, il est repoussé, se place en lévitation et reste là de façon stable au-dessus du supraconducteur, au point que si ensuite on retourne le dispositif, il va tenir à l'envers, tenu à distance par des espèces d'encres invisibles. Toutes ces propriétés, elles ont une origine quantique. Et ça, on va le comprendre bien après la découverte expérimentale. On va comprendre qu'en fait, dans ces matériaux, tous les électrons se mettent ensemble pour former une sorte de collectivité, former une sorte de vague géante. On se souvient que chaque électron était une petite vague individuelle, une petite onde. Cette fois-ci, c'est une onde collective géante, une sorte de superatome géant qui va avoir toutes ces propriétés étranges de conduire le courant parfaitement, de repousser les aimants. Ces supraconducteurs, ils vont occuper les physiciens tout le XXe siècle et une bonne partie du XXIe siècle. On va les découvrir, on va penser les avoir compris dans les années 60, et on va se rendre compte dans les années 80-90 que de nouveaux matériaux existent, qu'on va inventer en laboratoire, et qui échappent complètement aux théories anciennes, qui sont là encore supraconducteurs, qui sont même bien meilleurs que les anciens supraconducteurs, 10 ou 100 fois meilleurs que les anciens, et dont on n'a toujours pas compris aujourd'hui, en 2018, pourquoi ils sont supraconducteurs. L'origine de la supraconductivité, par exemple, dans des céramiques à base d'yttrium, de barium, de cuivre et d'oxygène, reste un des plus grands mystères de la physique quantique actuelle. Donc on n'a pas besoin d'aller nécessairement dans un immense accélérateur de particules pour sonder les mystères de la matière quantique. On peut prendre une galette de céramique fabriquée dans un four le week-end et faire léviter un aimant dessus. Ça reste également un des très beaux mystères de la physique quantique. Ces supraconducteurs, on essaye d'en comprendre l'origine, on essaye de les domestiquer. Ce qu'on aimerait même, c'est pouvoir les améliorer au point de ne plus avoir à les refroidir. Si on n'avait plus besoin de les refroidir, on remplacerait tous les fils électriques autour de nous par des supraconducteurs, et puis on ferait tout flotter chez nous, hein. On ferait tout léviter, notre salière, le skateboard, tout chez nous pourrait tenir sans toucher, et donc ça ouvrirait évidemment des horizons incroyables en termes de révolution du design, par exemple, chez soi, ou des applications. C'est un des sujets les plus étudiés actuellement dans les laboratoires. Moi, à titre personnel, ce qui me fascine dans cette physique quantique, c'est la construction de la pensée qui a permis de découvrir, d'inventer de toutes pièces ce qui se passe à l'échelle de l'atome sans jamais le voir. Et puis ce qui me plaît aussi dans la physique quantique, c'est justement de revenir à l'échelle de la matière et de voir de la physique quantique finalement dans les objets qui nous entourent, si on sait les voir avec un œil de physicien. C'est cette idée d'aller sonder l'invisible avec des concepts un peu nouveaux. Et Jean Perrin résumait ça très très bien, il disait que la physique quantique, ça permet finalement de chercher à expliquer du visible compliqué par de l'invisible simple. C'est l'idée qu'on a des propriétés autour de nous extrêmement compliquées, qui ne sont pas du tout intuitives, et qu'en utilisant des théories de l'invisible, de l'atome, de l'électron, du photon, relativement simples et conceptuelles, on va pouvoir comprendre ce visible compliqué qui nous entoure. Julien Bobrov aime tellement la physique qu'il a envie de partager son enthousiasme avec le plus grand nombre. Nous mettons sur la page des Saventuriers des liens qui vous permettront d'accéder à quelques-unes de ses conférences. Vous pouvez aussi retrouver Julien Bobrov dans Les grandes épopées qui ont fait la science, paru chez Flammarion en partenariat avec France Inter. Cette émission est la dernière de notre série estivale, une série qui est toujours à votre disposition sur le site de votre radio préférée, où vous pouvez podcaster les différents épisodes. Un grand merci à Clément Baudet qui a réalisé Les Aventuriers. Merci à Irène Menahem qui a préparé cette émission. À la programmation musicale, il y avait Djoubaka. À la prise de son aujourd'hui, Juliette Delperroux et Julien Dumont. Merci aussi à Romain Couturier de la discothèque de Radio France.